Le soir, en rentrant, Leclerc trouva son ami singulièrement changé. Il pirouettait, sifflait. Et l'autre, s'étonnant de cette humeur, Frédéric déclara qu'il n'irait pas chez sa mère. Il emploierait ses vacances à travailler. À la nouvelle du départ d'Arnoux, une joie l'avait saisi. Il pouvait se présenter là-bas, tout à son aise, sans crainte d'être interrompu dans ses visites. La conviction d'une sécurité absolue lui donnerait du courage. Enfin, il ne serait pas éloigné, ne serait pas séparé d'elle. Quelque chose de plus fort qu'une chaîne de fer l'attachait à Paris. Une voix intérieure lui criait de rester. Des obstacles s'y opposaient. Il les franchit en écrivant à sa mère. Il confessait d'abord son échec, occasionné par des changements faits dans le programme. Un hasard, une injustice. D'ailleurs, tous les grands avocats, il citait leur nom, avaient été refusés à leurs examens. Mais il comptait se présenter de nouveau au mois de novembre. Or, n'ayant pas de temps à perdre, il n'irait point à la maison cette année. Il demandait, outre l'argent d'un trimestre, 250 francs pour des répétitions de droit, fort utiles. Le tout enguirlandé de regrets, condoléances, chatteries et protestations d'amour filial. Madame Moreau, qui l'attendait le lendemain, fut chagrinée doublement. Elle cacha la mésaventure de son fils et lui répondit, entre guillemets, de venir tout de même. Frédéric ne céda pas. Une brouille s'ensuivit. À la fin de la semaine, néanmoins, il reçut l'argent du trimestre avec la somme destinée aux répétitions et qui servit à payer un pantalon gris perle, un chapeau de feutre blanc et une badine à pomme d'or. Quand tout cela fut en sa possession, « C'est peut-être une idée de coiffeur que j'ai eue, » songea-t-il. Et une grande hésitation le prit. Pour savoir s'il irait chez Madame Arnoux, il jeta par trois fois dans l'air des pièces de monnaie. Toutes les fois, le présage fut heureux. Donc, la fatalité l'ordonnait. Il se fit conduire en fiacre rue de Choiseul.